Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, mon cœur te désire comme la pluie sur la soie. Je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célébreront chaque soir. Mon âme est rassasiée comme d'un festin. Je te pense à toi sur ma couche, je médite sur toi dans la nuit profonde. Car tu es mon secours fidèle, à l'ombre de tes ailes, je chante, mon âme s'attache à toi sans crainte. Ta main droite me saisit et me soutient. Mon âme est rassasiée.